Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous recevons Monsieur Nicolas Marchal qui va nous parler de l'association de Monteux qui s'appelle Le Casque et l'Enfant. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Josie. Bonjour Claudie, bonjour l'équipe. Bonjour Monique, notre technicienne. Bonjour l'équipe de Bric-à-Brac. Bonjour Alain, notre chroniqueur littéraire. Bonjour tous. Et voilà, avant d'attaquer avec Nicolas, je voulais vous dire qu'on a 4 repas à faire gagner au break, qui se trouve au Pontet, zone les Rougier, je crois, zone industrielle, le Tronquet, c'est ça? Le Tronquet, oui, plutôt. Mais il y a Rougier dedans. Donc, si vous voulez gagner ces repas, vous m'envoyez un petit mot sur la page Facebook et vous donnez votre nom, votre numéro de téléphone et moi, j'appellerai le restaurant. Voilà. Alors, Nicolas, explique-nous tout. Cette association, elle est toute jeune, toute nouvelle? Donc c'est une nouvelle association qui a été créée, qui existe depuis le 5 décembre, qui a pour objectif de venir en aide au service de pédiatrie de l'hôpital Avignon et plus précisément aux enfants qui fréquentent ce service. Vous pouvez nous dire le déclic qui a fait que vous avez créé cette association? Alors, pour ma part, je suis papa de 3 petites filles, et dont la seconde, Pauline, qui est atteinte d'une maladie. Et on a voulu, porter mon aide en fait, à ce service. Donc j'en ai parlé à mon capitaine chez les pompiers. Oui, parce que vous êtes pompier à Monteux. Voilà, donc le capitaine de Monteux qui m'a suivi. Et ensuite on a parlé au centre de Monteux qui a tous ont voulu nous accompagner dans cette aventure. Et comment ça a commencé? Votre petite fille Colline a eu une hémorragie, je crois, soudaine, qui vous a surpris. Voilà, donc c'était le 22 décembre de l'année dernière. Colline a commencé avec une hémorragie. Donc au début on ne savait pas trop, au bout d'un certain temps on a décidé de l'emmener à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils lui ont fait plusieurs examens et à ce moment-là, ils ont découvert justement cette maladie qu'on appelle purpura. Et donc on l'a hospitalisée, votre petite fille? Donc voilà, ouais, on l'a hospitalisée, elle a dû fêter donc, les fêtes de Noël pour la première fois à l'hôpital. Et donc c'est là qu'on a découvert un petit peu le quotidien des personnes qui fréquentent ce service. Surtout dans des périodes de fêtes comme ça, je crois qu'elle avait tout préparé, l'arbre, tout ça, elle se retrouve à l'hôpital, c'est froid, c'est un peu... ça fait mal. Ouais, de notre côté, c'était très difficile, pour Colline encore plus, elle a dû subir à la fois le traitement, plus les effets secondaires qui y étaient associés, et derrière, on a quand même rencontré les équipes soignantes de ce service, qui sont dévouées aux enfants au quotidien, et qui nous ont permis d'accepter plus facilement en fait, ce qu'on devait vivre, ce qu'on était amené à vivre aujourd'hui. Non, j'ai pas de questions, j'écoute, ça arrive à tout le monde, moi j'ai fréquenté aussi un peu c'est pas facile. Donc on va faire une petite pause, et on reprendra avec quelques questions pour en savoir un peu plus, à tout à l'heure. Fly FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. Be late, we'll 9.9 avec toute l'équipe et Nicolas Marchal qui est notre invité, qui est pompier. Il a monté il a créé une association en décembre 2016 qui s'appelle Le Casque et l'Enfant. Et déjà, je voulais vous demander, Nicolas, pourquoi Le Casque et l'Enfant? Pourquoi ce nom-là? Et après, quel est le but de cette association? Alors, Le Casque et l'Enfant, c'est avant tout un poème dans lequel un enfant raconte sa rencontre avec les pompiers. Donc, il y a ce lien fort entre les enfants et les pompiers, un lien qu'on connaît au quotidien, et donc je trouvais que ce nom se portait assez bien à l'association qui a été créée. Ensuite, donc, le but de l'association, aujourd'hui, donc, il est de venir en aide au service de pédiatrie. Donc, nous avons eu des échanges et on a rencontré la chef de service du pôle pédiatrique de l'hôpital Avignon. Et en fait, elle nous a exprimé donc, différents besoins en termes de matériel, besoin pour aider les associations qui travaillent déjà au quotidien dans ce service. Et donc voilà, il y a beaucoup à faire pour venir aider ce service et apporter du réconfort aux enfants au quotidien. Et qui fait partie de votre association? Alors aujourd'hui, on est 4 membres du bureau. Il y a le capitaine donc, qui est président d'honneur. Il y a Jordan Hurtados et Michael Pérez qui occupent les fonctions respectives de secrétaire et de trésorier. Et ensuite, c'est l'ensemble du centre de Monthieu qui fait partie de cette association. Après, elle existe avec le soutien de l'Union départementale des pompiers du Vaucluse et le service départemental, donc le directeur départemental qui nous assure de son soutien. Oui, parce que tout à l'heure, vous me disiez qu'en Avignon, il y a beaucoup de départements limitrophes qui envoient leurs enfants donc à cette unité pédiatrique en Avignon, justement. Voilà, l'hôpital d'Avignon va recevoir donc des enfants qui arrivent des Bouches-du-Rhône, qui arrivent du Gard. Donc c'est perpétuellement en fait des arrivées d'enfants avec des pathologies plus ou moins graves. Et donc ils ont beaucoup à faire. Ouais. Oui, c'est quand même, oui. Et une question de proximité pour l'urgence des soins, quoi. C'est ça. En fait, on a des médecins régulateurs côté pompiers, en fait, qui vont nous diriger vers les centres hospitaliers les plus proches. Et puis après, on s'imagine qu'en tant que parents, on va aller justement au plus proche, nous aussi, avec nos véhicules, pour emmener nos enfants en cas de besoin. Bien sûr. Et puis c'est quand même plus pratique pour leur rendre visite. Voilà. Au départ, on va à l'hôpital sans trop savoir. Et puis, comme nous, ça nous est arrivé, où on a dû passer une semaine à l'hôpital. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je crois que les pièces jaunes servent justement à héberger les parents. Il y a l'association Ronald McDonald aussi qui intervient là-dessus. Mmh. Et donc il y a beaucoup d'associations. Après, nous, ce qu'on a voulu, c'est vraiment aider le service de pédiatrie de l'hôpital d'Avignon. Il y a déjà une masse à faire. Oui, j'en doute pas. Et comment vous allez aider cet hôpital dans du matériel, des cadeaux, de la présence? Alors, en fait, au mois d'avril, on va aller à la rencontre des enfants pour leur apporter chocolat et jouer. Excusez-moi, la caserne de Monteux, il va y aller? Voilà, la caserne de Monteux va se rendre sur le service de pédiatrie de l'hôpital Avignon. Donc ce serait un moment d'échange. Au service de pédiatrie, ils reçoivent des enfants de 18 mois à 15 ans. Mmh. Donc voilà, c'est le moment où justement on va essayer de s'approcher d'eux, de discuter avec eux. Et... oui, ils vont être ravis, je pense. J'espère. On va faire une petite pause, on revient tout à l'heure. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac-à-Idé et Nicolas Marchal. Alors voilà, donc les départements limitrophes envoient leurs bébés, leurs enfants. Et on me dit, vous nous avez dit de 15 mois à... De 18 mois. De 18 mois à 15 ans. Et avant, où c'est qu'on les envoie? Alors après, ce sera les médecins régulateurs qui définiront l'endroit où ils doivent aller. Ça peut être après sur Marseille, Nîmes. À Timon, ou... par exemple. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui, non, j'écoutais. On était sur le mois d'avril où justement ils allaient faire une manifestation au sein de l'hôpital. C'était, vous avez le jour? Alors, le jour n'a pas été encore défini. Oui. C'est le chef de service qui nous définira, qui nous donnera ce jour. Et voilà, mais ce sera aux alentours des fêtes de Pâques. Et justement, vous avez un besoin matériel. Alors, vous faites comment? Est-ce que nous, particuliers, il faut qu'on aille à la caserne de Monteux vous amener quelque chose? Ou est-ce que. Comment ça va se passer? Comment vous l'envisagez? Alors, pour les fêtes de Pâques, en fait, on a la chance d'avoir un gros partenaire qui est les chocolateries Castelin, qui vont nous aider justement pour les chocolats. Tout ce qui est peluche et tout, c'est vrai que ça a un coût. Donc, les gens peuvent aller sur le site Facebook, la page Nicolas Marchal ou la page Le Casque et l'Enfant. Et à ce moment-là, il y a une tirelire en ligne qui existe. Après, voilà, on peut aller à la caserne aussi et justement faire... faire des dons directement aux pompiers qui sont présents. Et je crois que votre projet, c'est peut-être d'aller voir les commerçants des villages aux alentours, même plus loin, pour mettre des tirelires afin que les gens qui n'ont pas Internet, tout le monde ne l'a pas, puissent donner, faire un don pour ces enfants. Parce qu'on est tous touchés, hein, un jour ou l'autre. Ouais, tout à fait. Donc nous, ce qu'on va faire au niveau du bureau, c'est qu'on va aller à la rencontre des artisans et commerçants de la commune de Monteux. On a d'autres partenaires aussi un peu plus éloignés comme le CEA Marcoule qui a souhaité aussi s'associer à notre association et à notre cause. Et ensuite donc ce sera de la communication. Aujourd'hui on intervient aussi auprès des mairies, donc c'est des rencontres avec les maires cet après-midi, donc avec le maire de Sorgues, qui nous aide en termes de communication auprès des chefs d'établissement scolaire et autres. Oui, je crois que c'est le nerf de la guerre, la communication, pour avoir de l'argent, des... Voilà, on existe depuis peu de temps, et donc aujourd'hui il faut vraiment nous faire connaître et savoir, voilà. Et je crois qu'au mois de le 8 juillet, vous avez une date quand même extrêmement spéciale. Voilà, donc oui, le 8 juillet 2017, donc nous allons organiser une manifestation caritative à l'occasion des 80 ans du centre de Monteux. Donc tous les pompiers ont décidé de s'investir pour l'association Le Casque et l'Enfant. Donc ce sera une après-midi destinée aux enfants avec de multiples activités. Il y aura des manœuvres des incarcérations, il y aura le grimpe qui sera présent aussi. Et ensuite, dans la soirée, donc une partie protocolaire. Plus. Excusez-moi Nicolas, vous avez dit... oui Nicolas, vous avez dit le grimpe? Le grimpe, oui. Alors le grimpe, c'est une équipe spécialisée dans tout ce qui est sauvetage périlleux, en milieu périlleux. Et donc on a un pompier de Monteux qui en fait partie et qui fera une tyrolienne pour amuser les enfants. On va faire une pause, on reviendra oui, sur cette journée. Hein, à tout à l'heure. Fly FM. Ici, les hits bonifient avec le temps. FM. Tout de suite, une nouveauté Fly FM. I only got you in my stories, and you know I tell them right. I remember you and I when I'm awake at night. So give it up for fallen glory. I never got to say goodbye. I wish I could ask for just a bit more time. Every step I take, you used to lead the way. Now I'm terrified to face it on my own. You're not there to celebrate the man that you made. You're not there to share in my success and mistakes. Is it fair? You'll never know the person I'll be. You're not there with me. Though I know that you're not there, still write you all these songs. It's like you got the right to know what's going on. as I struggle to remember how you used to look and sound. At times I still think I can spot you in the crowd. Every step I take, you used to lead the way, and now I'm terrified to face it on my own. You're not. Vas-y Claudie, alors on est le 8 juillet, alors rebonjour Fly FM 89.9 avec l'association Le Casque et l'Enfant. Je crois Claudie qu'on était parti sur une journée de manifestation. Voilà, le 8 juillet qui va avoir lieu à la caserne de Monteux. C'est ça, ouais. Tout le jour? Alors ce sera toute l'après-midi plus la soirée. D'accord, et c'est entrée libre? C'est entrée libre, hein, voilà. Et je crois que vous allez dispatcher des petites tirelires pour, et ce sera au bon vouloir des gens. Voilà, en fait ce qu'on veut c'est justement laisser... toutes les personnes peuvent venir, voilà, tout à fait. Et après, s'il y a des personnes qui veulent effectuer des dons, ils auront toujours la possibilité. Mais tous les enfants, de toute façon, pourront participer aux activités sans payer. Et c'est des activités pompiers? Alors, il y a des activités pompiers. Après, on a demandé aussi à certains artisans qui ont souhaité s'associer à notre association de réaliser des jeux. Et donc, ça fera en plus d'autres animations aussi. Ouais. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Alors, les animations pour les enfants, ce sera de 14h à 18h. Et après, bon, ben, après 18h, on aura une tombola qui aura lieu. Et ensuite, voilà, on partira sur la soirée. Et la soirée, ça consiste en quoi? Donc, il y aura le chef de service du pôle pédiatrique qui sera présent, avec, j'espère, les infirmières et infirmiers de ce service. Et donc, ils seront là aussi pour nous expliquer les besoins qu'ils ont au quotidien. Nous, on expliquera aussi pourquoi notre association existe et ce qu'on peut encore apporter dans l'avenir. Et ensuite, voilà, ce sera repas festif et soirée dansante. Oh, et il faut s'inscrire? Non, il n'y a pas d'inscription, c'est vraiment très libre là. Ah bon, et Nicolas, si je veux y aller pour que vous me je m'en rappelle, on va le savoir où, comment. Vous allez passer des affiches, mettre sur Facebook, parce que c'est la mode Facebook, je sais. Mais moi... Ben, en fait, on va communiquer assez rapidement sur Facebook. Donc sur le compte de l'association, et puis ensuite on mettra des affiches un petit peu dans tout le département pour justement accueillir un maximum de monde. Et dans les casernes? Et dans les casernes, en fait, c'est grâce à l'Union départementale des pompiers du Vaucluse, c'est eux qui prennent en charge la communication auprès des autres centres. Et donc voilà, ils vont nous aider aussi de leur côté à communiquer. Ouais. Pensez à notre page Facebook, à nous. Hein, voilà, on la mettra, ouais. Hein, et puis on en parlera. Bon, c'est vrai que nous on finit le mois de juin, donc ça sera plutôt par la page Facebook qu'on pourra faire passer le message. Mais c'est très gentil. Ouais. Et donc, cette journée, mais à part ça, quels sont les besoins, justement, de ce service? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est de la chaleur humaine? Est-ce que c'est du matériel médical? Alors, en fait, on va retrouver un petit peu de tout. Donc, du matériel médical, notamment, oui. Donc, ça va être du petit matériel, comme du matériel plus conséquent. Donc, avec des fourchettes de prix plus ou moins larges. Après, donc on a des associations qui interviennent déjà dans ce service. Donc ce sont des salariés. Voilà. Donc à l'époque, ils étaient à deux à intervenir chaque semaine. Aujourd'hui, financièrement, ça devient plus compliqué. Donc nous, sur ce contexte-là, on pourrait éventuellement intervenir. Et la décision sera prise au sein du bureau avec le chef de centre, voilà, pour essayer d'apporter la contribution la plus importante au meilleur endroit. Et des entreprises qui fabriquent du matériel médical ne peuvent pas vous faire des dons ? Alors non, en fait, c'est indépendant de notre volonté. Là, il y a un ingénieur biologiste du centre hospitalier. C'est lui qui nous dit, en fait, les besoins bien spécifiques de l'hôpital. Et donc, c'est auprès de lui qu'on interviendra. D'accord. On fait une petite pause, hein, et on se retrouve. On parlera de la santé de votre petite fille. Bien. À tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Voilà, revenu sur Fly FM avec Nicolas Marchal qui nous parle du casque et de l'enfance. C'est une association toute nouvelle qui a été créée en 2016, c'est ouais. Ça. Et donc le départ, c'était la maladie de votre petite fille Colline. Comment va Colline maintenant ? Colline vit son quotidien avec sa maladie, donc avec un petit peu moins d'hospitalisation, mais malgré tout, voilà, c'est constamment des examens. Et un quotidien qui est assez compliqué à gérer. Elle va souvent à l'hôpital. Elle va souvent à l'hôpital, donc derrière, c'est un investissement de la part de mon épouse et de moi-même pour l'amener, l'accompagner à chaque fois. Ouais. Elle reste longtemps quand elle y va ? Alors quand elle y va, elle reste branchée sur sa machine pendant plusieurs heures, et après, selon son état de santé, elle reste hospitalisée en surveillance. Et vous restez avec elle ? On reste avec elle, oui. Et ouais. C'est pour ça que vous avez vu que, bon, peut-être il y aurait besoin de matériel pour que les parents puissent rester au chevet de leur enfant. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres associations aussi qui interviennent dans ce cadre-là. Donc c'est des fauteuils pour permettre aux parents de rester auprès de leurs enfants. Il y a des associations, enfin, Auchan est intervenu pour offrir des nouveaux téléviseurs. Oui. Et donc voilà, il y a énormément d'activités là, à ce niveau-là. Ouais. Oui, heureusement qu'il y a les associations. Il faut des associations, ouais. Ouais. Bon, ben je crois qu'on va récapituler. Donc vos deux grandes dates, c'est au mois d'avril, vous avez une journée à l'hôpital avec les pompiers. Voilà, au mois d'avril à l'occasion des fêtes de Pâques. Et ensuite le 8 juillet, donc une journée qui sera dédiée aux enfants et une soirée donc caritative. Festive. Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres projets à plus long terme ? Ben, à plus long terme, oui. Au mois d'août, il y a un pompier de Monteux, donc Philippe Vidal, qui va courir les 6 jours de France. Donc c'est une course qui se fait jour et nuit. C'est lui qui va gérer son temps et donc on est à la recherche de sponsors pour payer le kilomètre parcouru. Donc c'est un exploit physique, il a décidé de faire cet exploit au nom de l'association Le Casque et l'Enfant. Donc on lance un appel, voilà, un appel sponsor pour ce monsieur qui va courir, qui est bien courageux. Très courageux, oui. Et puis voilà, une belle preuve de générosité. Vous savez qu'elle se passe cette course? Là, vous avez ça se tout. Passe en Ardèche, tu il me semble. Ouais. Toi, Pascal, c'est une grande sportive. Une coureuse à pied. C'est une coureuse à pied. Ouais. Vous savez pas, en Ardèche, c'est en Ardèche. C'est du côté de l'Ardèche, ouais. Bon, ben bah, écoutez, s'il y a des sponsors qui nous écoutent, c'est volontiers. Ils vous joignent sur Le Casque et l'Enfant. Vous êtes sur Facebook. Ouais, Le Casque et l'Enfant, Facebook, mon numéro de téléphone. Donc, les pompiers de Monteux. Voilà, pompiers de Monteux. Il y a toujours du monde présent le dimanche à la garde, donc ne pas hésiter à venir. D'accord, bah écoutez. Moi, vas-y, je voulais juste un truc. Vas-y. Bizarrement, on en a parlé hors l'antenne tout à l'heure. Bizarrement, on a fait cette émission aujourd'hui en sachant que c'est aujourd'hui la journée internationale du cancer des enfants. Donc, si vous voulez faire des dons, si vous voulez lire des témoignages, vous avez plusieurs sites sur Facebook. Parce que je n'ai pas eu le temps de trop de fouiller où on peut donner des dons, où on peut lire ce qui se passe. Et en sachant que c'est malheureux qu'il y a 1700 nouveaux cas de cancer diagnostiqués en France chaque année. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que Colline a de l'espoir. Hein, je crois que sa maladie peut se résorber avec le temps. C'est pour ça que l'association, elle n'est pas spécialisée pour la maladie de Colline, mais elle intervient vraiment pour tous les enfants, pour le service. Voilà, bon, bah, on pense à eux, on pense à votre petite fille, on l'embrasse. C'est très gentil. Oui, au plaisir de vous voir. Merci. À bientôt, Nicolas, puis on récapitulera tout à l'heure, nous, pour parler de votre association à la fin. Au revoir. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. C'est l'histoire d'un ange déchu, perdu entre vice et vertu. Question du jour, c'est salutaire. Qu'ai-je fait de mon piron lunaire? Tant d'indolence bafouée, de joie au pilori cloué, se faire le lit de la misère. Qu'ai-je fait de mon piron lunaire? Au diable l'ai-je donc rangé? L'enfant d'hier et sa lumière, à Paris, Dublin ou Tanger, qu'ai-je fait de mon pierron lunaire? Qu'ai-je fait de mon pierron lunaire? La la la la la la la la. Acculé, j'ai mis sur le coup les meilleurs limiers du secteur, Fox, Mulder, NSA et tout. J'ai les moyens, je connais l'auteur. Je confesse, on l'aura compris. L'angelot déchu, c'est Bibi. Chanteur sous vide en quarantaine. Depuis qu'il n'y a plus de pierrot lunaire, sa vie limite à l'idée fixe. Cette innocence qui va mourant. J'ai déposé une plainte contre X, assortie d'une main courante. Le dénouement, je dis rien, motus. Hommage à ton imaginaire. D'ici là, on se voit sur l'opus. Au bout du tunnel, la lumière. La, la, la, la, la, la. Bienvenue dans mon univers. La, la, la, la, la, la, la. pas en somme, nous nous reverrons, parole d'homme, sur le projet zéro lunaire. Au camp, le réel confine au mystère des gens, au bout du tunnel, la lumière. Voilà, revenez sur Fly FM avec l'émission Bric-à-Brac-à-Idée sur 89.9 et Alain va nous parler d'un livre. Alors, aujourd'hui, je vous parle de La vengeance des mers de Jim Fergus aux éditions du Cherche Midi. Alors, ce livre paru en 2016 est la suite de 1000 femmes blanches qui a été édité en 2000. Et dans ce bouquin, Fergus nous parlait justement de cet échange bizarre qu'il y avait eu entre un chef Cheyenne et le président des États-Unis, Ulysses Grant. C'était 1000 chevaux contre 1000 femmes blanches. Ceci dans le but d'assurer par l'intégration, la sécurité et la prospérité du peuple Cheyenne. Alors pour un an, pour point de départ ce fait historique, Fergus retraçait l'aventure de ces femmes à travers les carnets intimes de l'une d'elles, May Dodd. Le nouveau livre commence avec la fin du journal de May Dodd. 1er mars 76, cette fois tout est vraiment fini. Dès les premières lueurs du jour, telle la main vengeresse du Tout-Puissant, les soldats ont fondu sur nous. Le village est détruit, incendié. Le peuple nu est parti se réfugier en courant dans les collines. Je me suis réfugié dans une petite grotte avec Fever on Head, Quiet One et Martha. Nous sommes blottis les unes contre les autres avec nos enfants, tandis que le village brûle en contrebas. Semblable à un immense bûcher funéraire, les soldats empilent tous nos biens, tout ce que nous avons, peau, fourrure, couverture, réserve de viande et de nourriture, selles de chevaux, munitions. Ils placent les cadavres par-dessus et embrasent le tout avec les grandes torches. Ils mettent pareillement le feu aux logis qui s'enflamment comme des arbres dans une forêt sèche. À l'intérieur, poudre et cartouches font des feux d'artifice. Tout ce que nous avions s'envole en fumée. Et oui, le président Grant n'a pas respecté son acteur. Et en 1876, la cavalerie américaine attaque le camp d'hiver de Little Wolf. Un véritable carnage. Les Cheyennes sont exterminés, hommes, femmes, enfants, sans aucune pitié. Réussissant à s'échapper, certains vont réussir à rejoindre le camp d'hiver des Lakota. Le chef Crazy Horse les accueille. Parmi ces rescapés, des femmes blanches, parmi elles, Margaret et Suzy Kelly, des jumelles irlandaises qui ont perdu leur petite fille et ont décidé de se venger à n'importe quel prix. Elles seront bientôt rejointes par d'autres, dont Molly McGill, et c'est au travers des carnets intimes de Margaret Kelly et Molly McGill que l'auteur nous narre la vengeance des mères. Et le premier carnet de Molly McGill, c'est « Maudit soit l'État américain, maudit soit son armée, cette humanité de sauvages, les blancs comme les indiens, et le bon Dieu dans les cieux, faut pas prendre ça à la légère, la vengeance d'une mère, vous allez voir ce que vous allez voir. » Eh ben dis donc. C'est atroce. Ah ouais. Mais c'est... Ah oui, oui, non, non. Ah oui. Moi j'avais beaucoup aimé le premier, qui était « Mille flammes blanches », ils avaient échangé des chevaux, donc... Ils avaient donné aux Indiennes des femmes blanches. Et finalement, elles s'étaient très bien intégrées, ou la plupart. Oui, oui, mm-hmm. Bien sûr. Mais est-ce que c'est du... Les carnets, c'est vrai ou... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et comment Jim Fergus n'est pas très reconnu aux États-Unis parce que ce qu'il écrit, c'est pas la, la gloire des Américains. Ouais, ouais, ouais. C'est la vérité, ça. C'est pas. Vrai que les Américains, c'est les plus forts, les plus beaux. Oui, les, parce voilà. Que Ulysses Grant est reconnu comme étant l'homme qui a protégé les Afro-Américains. Mais ouais. Les Afro-Américains, ce ne sont pas les natifs américains. Tout à fait, les ouais. Natifs américains, on c'est les a massacrés. C'est les Indiens, oui. Mmh, mmh. Mmh. Ouais. Bon, mais je le dirai. Tu nous parles d'un film peut-être un peu plus détendant, distressant. Distressant, ça dépend ce qu'on fait. Donc, si on va, cherche on va faire une petite pause. Ah, d'accord, et alors tu nous le dis tout à l'heure. Ah. Parce que bon, je sais que tu es bavarde. Le chocolat d'entracte. Oh, à tout à l'heure. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub, sans pub. Get up and reprends l'antenne d'équipe, je vais vous présenter un film. Si vous jamais vous avez l'intention de faire une bêtise et que vous ne voulez pas que votre mari ou votre femme le sache, vous faites venir une société et elle vous trouvera un alibi. C'est le thème de ce film, Alibi.com, un film qui a été présenté en avant-première au Festival international du film de comédie de Alpes d'Huez. C'est très immoral. Voilà, où il a été classé hors compétition. Il est sorti ce mercredi, on est le 15 février, oui, c'est ça. C'est ça. C'est un film réalisé par Philippe Lachaud qui nous a déjà fait Babysitting 1 et 2. Cette fois, il est seul parce que son compère est occupé, Nicolas Benanoun, à faire une autre comédie avec José Garcia qui va s'appeler ou qui s'appelle Afom. Donc, c'est un film avec Nathalie Baye, Didier Bourdon, qu'on connaît des Trois Frères. Moi, j'ai vu des extraits, ça m'a l'air pas mal du tout. Voilà, Élodie Fontaine, qu'on connaît de Clem. Julien Arruti et Tarek B. Boudali. Donc, c'est un film qui raconte... Une série sur la 6, famille, je ne sais pas quoi. C'est bien, merci Alain de venir à ma rescousse. Parce que tu vois, ça, je ne le savais pas, je ne te vois plus. Il est très drôle. C'est vrai ? Ouais. Donc voilà, alors Greg, c'est un trentenaire ouvert à une société qui s'appelle Alibi.com. Il a un associé qui s'appelle Augustin. Et leur mission, c'est d'inventer toutes sortes d'alibis. Et pour cela, ils imaginent des mises en scène, des stratégies implacables. Et un jour, ils rencontrent Flo. C'est une avocate, je crois, Flo. Et ne me demandez pas si je l'ai vue, parce que je ne suis pas allée le voir encore. Non, mais hier, j'ai vu des extraits, oui. On en parle pas mal. Apparemment, on dit que c'est un film qui va faire un gros carton. Mmh. Bon. Cette jeune femme, elle ne supporte pas les mensonges. Alors, il est mal, parce qu'en plus, elle va le présenter à son père. Et son père... C'est Didier Bourdon. C'est Didier Bourdon. Ouais. Et c'était un client de la société. Donc déjà... Ça va c'est pas. Le choc. Ça le va choc. Pas. Le futur gendre avec le père qui se rencontre et qui sont clients et que tout le monde. Une qui supporte pas le mensonge. Enfin, et Nathalie Baye qui joue la mère au milieu. Donc, elle est un peu bédigasse. Elle est un peu bédigasse ? Ouais, ouais. Je sais pas. Elle dit, ça fait 20 ans de mariage. Ah, mais ce soir, il sera pas là, tu parles. Il est ailleurs. Et hop, alibi.com. Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas. Faut pas non plus à l'abuser. On y pense pas, nous. Hein. Non, jamais. Bon. Alors, on retrouve Julien Arruti, qui a fait déjà Paris à tout prix. Tagueg Boudali, qui a joué dans l'Italienne, Didier Bourdon et Nathalie Baye. C'est un tournage qui a débuté en avril et s'est terminé en juillet 2016, qui a été tourné à Paris et à Cannes, dans ses environs. Qu'est-ce que je peux vous dire encore Donc, il s'est inspiré justement de ces sociétés qui existent déjà. Mais attention, par contre, elles n'ont pas le droit... De faire, qu'est-ce que j'ai vu, des alibis qui sont incorrects, c'est-à-dire de faire des fausses ordonnances. Qu'est-ce que j'ai encore, tu vois, je suis perdu le fil. Ouais. Ben, je pense que ce qu'ils font, c'est donner des faux billets de. Voilà, ils ne peuvent pas intervenir dans le monde du travail, dans tout ce qui est vraiment quand même illégal. Et il faut savoir aussi, on en revient à ce qu'on a vu tout à l'heure avec Nicolas, des autres associations, c'est qu'une partie des recettes sont reversées à l'association Coucou Nous Voilou, dont la mission est d'améliorer le quotidien des jeunes enfants hospitalisés. Ah ben c'est bien, ça, hein très bien. Ils se rattrapent quand même un petit peu. Voilà, là, oui, parce que c'est pas trop moral, mais bon. Et puis ça doit être bien fatigant, hein, comme on disait tout à l'heure. On se fait une petite pause, on se retrouve tout à l'heure. Fly FM. Fly FM. Le meilleur des hits. Are you alive right here, right now? We've crossed the line, but you're halfway back. Feels alone, you have gone good none. We're here apart, cause we're somewhere across the water. Came around second time. Parce que vous savez que c'est les vacances depuis vendredi soir. Oui. Donc on va parler de l'épicurium. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait des ateliers qui étaient prévus. Oui, effectivement, qu'il fallait s'inscrire à l'avance, des petits ateliers. Mais je pense qu'on peut encore s'inscrire. Donc le lundi 20 février, c'est la confection de cadres avec, vous savez, avec des graines. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. Et Pauline nous avait dit ça. Pour la fête des mères. Oui, tu peux le garder pour la fête des mères, ça fait double. C'est une nouveauté 2017. Et il y a deux ateliers, de 14h30 à 15h30, c'est pour les 7-12 ans. Et de 16h à 17h, c'est pour les 4-6 ans. Je pense qu'ils font la sieste, donc ils viennent plus tard. Après, le mercredi 22, c'est la confection d'un épouvantail individuel. Et c'est toujours pareil, de 14h30 à 15h30, c'est pour les 7-12 ans. Et de 16h à 17h, c'est atelier tisane, pour les tout-petits. Parce pour qu'ils aillent bien au lit et dormir. Peut-être. Et en plus, il y a atelier famille, c'est un adulte invité pour un enfant. D'accord. Voilà. Et le jeudi 23, c'est la journée des petits chefs. Il n'y a pas que les grands qui font des émissions de... parce qu'alors en ce moment, il y a beaucoup d'émissions de cuisine, je trouve. C'est la mode. Donc les petits font des ateliers culinaires pour la réalisation de goûters gourmands. C'est de 14h30 à 15h30, c'est pour les 7-12 ans. Et de 16h à 17h, c'est pour les autres de 4 à 6 ans. Et atelier famille, un adulte invité, un enfant. Ça dure une heure. Tarif, c'est de 10 enfants et il y a une réduction de 10% à partir du deuxième atelier acheté pour le même enfant. Et pour les accompagnants, possibilité de visiter l'exposition de l'épicurium à tarif réduit. 6 euros, ça va. Hein? Mmh. Et si vous voulez des renseignements, c'est contact@epicurium.fr. contact@epicurium.fr. Mais vous pouvez aussi découvrir également le parcours pieds nus. C'est rigolo. Pieds nus à cette saison? Ben oui, je me suis dit, peut-être qu'il fait froid, je ne sais pas. Pieds nus, entièrement dédiés aux paillis végétaux et minéraux, indispensables alliés, bien sûr, de l'écologie de nos jardins. Là, je suis sceptique pour les pieds nus. Hein. Ben peut-être que ça stimule les défenses immunitaires. Non, par contre, c'est vrai que attention aux ronces. Hein. Tu te remets en contact avec la nature, c'est très bien, parce que tu reprends des énergies. Mais hein, cette oui, moi j'ai pensé qu'il ne fait pas très froid là en ce moment. Hein. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Si, moi j'ai quelque chose. Je ne connaissais pas cette dame. Quelque chose de rapide ou de court, je ne sais pas. Comme tu veux. C'est Bea Johnson. Oui. Alors cette dame, elle est partie aux États-Unis et elle est devenue l'ambassadrice du monde de la vie zéro déchet. Et où elle a monté... Donc, c'est une Vauclusienne qui est d'origine vauclusienne, qui est partie aux États-Unis. Et là, avec sa famille, elle réside à San Francisco. Elle a réussi à construire une maison et à réduire ses déchets à 500 millilitres par an. Ouais, je pense qu'on y arrive. Hein, ouais. Donc, ouais. Ah, on me fait signe que le micro... Et donc, cette conférence, elle va expliquer comment elle a fait. Et cette conférence est suivie d'un débat animé par le magazine Sans Transition, qui est un magazine régional engagé et participatif. Donc, ça se passe le jeudi 16 mars à 19h30. Donc, Bea Johnson est zéro déchet, où elle explique comment réduire... Ça se passe où? Alors, je vais... Voilà, à la Boiserie de Mazan. D'accord. Donc, vous avez les billets, les ventes aux librairies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les informations et les réservations sur www.100-transition-magazine.info à Boiserie de Mazan. Redis-le. Alors, www.100-transition-magazine.info. C'est la vie de Mazan. Donc, peut-être aussi, on peut aller chercher sur la vie de Mazan. Au niveau de la Boiserie. Mmh. Jeudi 16 mars, l'ambassadrice zéro déchet, Bea Johnson. Et n'oublions pas, 100% écoute. C'est vendredi ou c'est jeudi? C'est jeudi. C'est un jeudi. C'est celui-là. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'elle vit à San Francisco. Mmh. Et justement, je trouve qu'en France, on commence, mais Et moi, je voulais vous dire, n'oubliez pas les bazarettes. Ah oui, nos petites bazarettes. Donc, nous allons y aller. Bon, oui. Les bazarettes, oui. C'est à 20h30. C'est à la salle des fêtes d'Aubignan. Je sais pas si l'entrée est libre et il vaut mieux téléphoner à l'office de tourisme. Il vaut mieux réserver. Hein. Voilà, oui. Moi j'ai réservé. Oui. Je pense que ça va être très sympathique. Hein? Oui, je crois que c'est l'histoire de dames qui sont dans un centre de remise en forme. Je crois qu'elles ont. Non, c'est les 4 saisons. Mais c'est ça, non? Non. C'était le premier spectacle. C'est le premier spectacle, 4 saisons. C'est les 4 saisons. Bon. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve tout à l'heure. Moi, je voudrais toujours parler à la salle des fêtes d'Aubignan. Donc, comme c'est les vacances, hein, cette salle des fêtes, c'est avenue Jean-Henri Fabre, route de Saint-Rien. C'est le mardi 21 février à 15h30, c'est pour les enfants. C'est une journée au zoo. C'est la folle aventure de Sébastien qui cherche du travail et qui se retrouve du jour au lendemain gardien de zoo, lui qui n'a aucune expérience des bêtes. Il prend alors son courage à deux mains et part avec des spectateurs à la rencontre des pensionnaires du zoo. Là, les péripéties commencent. L'otarie est affamé. Le crocodile a mal aux dents. Qui mange l'otarie, ce serait mieux. Le lion a le moral dans les chaussettes. Et Fernand fait des cancans. Je pense que Fernand, ça doit être un canard, non? Alors, c'est un spectacle plein d'humour, rythmé par la magie et la participation des enfants. Donc, ça doit être interactif. Hein. Le tarif est de 3 euros et vous pouvez vous informer, vous vous rapprochez de l'office de tourisme d'Aubignan. Voilà. Juste, sachez qu'on est, puisqu'on est dans les enfants, il y a lecture de contes pour enfants et pour adultes à la chapelle des pénitents noirs à Monteux, le vendredi 24 février. C'est gratuit et ça commence de 9h30 à 11h pour les 3-6 ans, 14h, 15h30 pour les plus de 6 ans et 20h30 pour les adultes. Et c'est gratuit, c'est l'association Culture Éducation Laïcité, la SEL, qui fait ça, qu'on avait reçu, je crois, avec Claudie. Bien sûr qu'on l'avait reçu. Je crois que Monique veut nous parler... Non, des pas courses. Bon, elle va nous parler des courses. Moi, je vous propose le vendredi 17 février, décidément, ce vendredi soir, il y a beaucoup, beaucoup de spectacles. Je crois qu'on ne pourra pas aller partout. Hein. C'est à 20h30, c'est un concert-événement à l'espace du Lavoir à Vedaine. Il y a souvent des choses qui se passent... Oui, il y a des trucs... J'avais parlé de Lambert Wilson à Vedaine. Voilà, et l'entrée est libre en plus. Hein. Je veux dire, c'est intéressant quand même. Hein. Ça s'appelle Sonner Trompette. C'est Jacques Jarmasson, professeur de trompette. C'est un ancien élève de Maurice André. C'est quand même une grande pointure. Hein, qui animera une soirée exceptionnelle autour de ce bel instrument. C'est vrai que la trompette, c'est magnifique. Hein. Il sera accompagné de deux de ses grands élèves. Alors, Sylvaine Gimbert et Camille Ferrat. Donc, pour tout renseignement, vous contactez animation@mairie-vedaine.fr. animation@mairie-vedaine.fr. Voilà. Et si vous voulez sortir aussi, alors ça, c'est toujours le vendredi 17, décidément, c'est les amis de Jean Ferrat à la salle des fêtes de Sorgues. C'est un tribute Francis Cabrel. Donc, ça s'appelle Un cri par le groupe Une ombre à l'autre, qui présentera cet hommage à Francis Cabrel et qui lanceront en plus leur troisième festival. Et après, vous aurez droit à un kirchatteigne offert. C'est à la salle des fêtes de Sorgues. Et le mardi 21 février à 19h au Café Cerise à Saint-Didier, René Garillot nous parlera de René de Chateaubriand, le politique. Vous saviez que René de Chateaubriand, outre que c'était un grand écrivain, il était journaliste, polémiste, ministre et ambassadeur. Il en avait des fonctions ? Eh oui, hein, il avait beaucoup de casquettes. On se fait une petite pause. Et on met la pause, la casquette, après pour voilà, courir. Et après on va courir, on va mettre des baskets. Fly FM. Fly FM. Fly FM. Fly FM. Hold on. Oh, something burning up inside you that I would like to explore. Just hold on, hold on to just one more dance with me. Hold on, hold on to all this mystery. Hold on. Burning up inside and I would lie. Just one touch, enough to make you blush. I think you lost your mind, but it's not enough. It's just some crush that makes you feel inclined to hold on, hold on. We're burning up the light. We've only got tonight. Revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac. Et Monique va nous parler de courses. Et voilà, j'ai chaussé les baskets. Vous êtes rouges. Moi, je veux des baskets rouges. Rouge. Ah ben écoute, aujourd'hui, j'en ai. Ah oui, c'est vrai, en pas plus. Pour courir. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Le dimanche 19 février, vous avez l'Urban Trail de Nîmes. Trois distances, 10, 18 ou 27 km. Le départ se fait au quai de la Fontaine. Vous avez également ce dimanche 19, le semi-marathon de Cannes. Donc semi-marathon, hein, pour ceux qui préparent le marathon de Barcelone, c'est l'idéal. Ah oui, tu commences à te préparer. Comme ça, ouais. Vous commencez à vous préparer avant, mais ça vous permet de faire une course en vous y mettant un peu de temps. Tu n'en fais plus de marathon, c'est fini? Non, le marathon pour moi, non. Ouais, c'est trop fatigant. Vous avez également ce dimanche 19, alors là c'est une rando VTT, le petit Luberon à Merendol. Vous avez... quatre distances, un 20, un 30, un 48 et un 53 km. Et vous avez une nouveauté. Enfin, j'ai vu une nouveauté, mais je trouve que ça se fait de plus en plus. Vous avez également une course à pied ce jour-là. Donc, Merendol vous invite, si vous voulez courir plutôt que faire du vélo, course à pied de 10 ou 29 km. Ça, c'est pour le dimanche 19. Je vous propose le dimanche prochain, le 26 février, à Ménerbe. Vous avez une course à pied de 15, 8 et 2 km. 2 km, on précise, c'est pour les enfants, hein. Non, pour bien moi. Sûr. Vous avez également, si vous préférez, le VTT, c'est le rallye, un rallye au Rougadou, dans le département du 13 à Nove. Et vous avez également une rando pédestre. Et vous avez à l'arrivée saucisse grillée. Ah, c'est jamais mieux la truffe. Bon. L'utile à l'agréable. Vous avez deux distances, 22 et 37 km. Voilà pour ce qui est des courses à pied et des sorties VTT. Donc, sachez que cette émission est rediffusée vendredi 17 février à 14h. Et mercredi prochain, donc nous serons le 22 février, nous recevrons l'équihémologie, monsieur Sylvestre. Si voilà. Tu peux nous en dire un petit peu plus. Écoute, je vais étudier ça et on lui posera plein de questions. Il nous expliquera. Je crois que c'est le rapport de l'homme avec le cheval d'une manière naturelle, mais il nous le dira mieux. Et il faut dire qu'on a reçu le casque et l'enfant, Nicolas Marchal, et que si on veut se rapprocher de lui pour l'aider dans son association, il a une page Facebook, le casque et l'enfant. Ou alors, voilà. Il a dit sur page Facebook, à lui aussi perso, Nicolas Marchal. Voilà, Marchal. Marchal. Bon, bah écoutez, voilà. Écoutez, à la semaine prochaine. Oui, allez, avec plaisir, on se retrouve mercredi. Merci. Voilà, ça sera toujours les vacances. Avec plaisir. Allez, à toi, bonne journée, au revoir. Au revoir.